Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet-du-Près 1860. Prologue. Notre dessein est d'exposer dans cet ouvrage, en faveur des commençants, la doctrine de la religion chrétienne. Nous le ferons, avec l'aide de Dieu, le plus brièvement et le plus clairement qu'il nous sera possible. Saint Thomas. Observation. La somme, on le sait, se divise en trois parties. La première partie traite de Dieu, qu'elle considère sous trois rapports, savoir, l'unité de nature, la trinité des personnes, la production des êtres, tome 1. La seconde partie s'occupe du mouvement de la créature raisonnable vers Dieu, c'est-à-dire de l'homme dans ses rapports avec Dieu. Elle traite des actes humains en général et en particulier, tome 2 et 3. La troisième partie a pour but de faire connaître Jésus-Christ qui, comme homme, est la voie pour aller à Dieu. Elle traite de l'incarnation, des sacrements, et de la vie éternelle où le Christ nous conduit, tome 4. Soit dans une classe de théologie, soit dans les conférences ecclésiastiques, soit au catéchisme, soit en chaire, il n'y a pas de meilleure méthode à suivre pour l'enseignement de la foi. Première partie, première question, notion préliminaire sur la doctrine sainte ou la théologie, ce qu'elle est et à quoi elle s'étend. Nécessité, nature, unité de cette science, son but, sa supériorité sur les autres sciences, son sujet, sa méthode, raison des figures et des sens divers de l'Écriture sainte. 1. Est-il nécessaire que nous ayons une autre doctrine que la philosophie? Indépendamment des sciences philosophiques, il faut nécessairement admettre un autre enseignement, car, d'abord, on lit dans saint Paul, « Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour instruire, pour reprendre, pour corriger, et pour conduire à la justice. » 2 Timothée 3:16. Or, l'Écriture, qui a été inspirée de Dieu, n'appartient point aux sciences philosophiques. Il est donc utile qu'il y ait une autre doctrine que les principes philosophiques, une science inspirée de Dieu. Note. Il ne faut pas être surpris de trouver, dès le premier article de la Somme théologique de saint Thomas, des raisonnements qui supposent la foi à l'Écriture et à la révélation. Le docteur Angélique n'a pas pris à tâche de démontrer positivement l'existence de la révélation, il la suppose. La Somme contre les gentils, où cette question est traitée, a dû précéder la Somme théologique. Fin de la note. Cette doctrine est incontestablement nécessaire au salut du genre humain, et en voici la raison, l'homme se rapporte à Dieu comme à une fin surnaturelle qui dépasse la portée de l'intelligence humaine, car Isaïe dit, « L'œil n'a point vu, sans vous, ô Dieu, ce que vous avez préparé à ceux qui vous aiment. » Isaïe 64, 4. Or, la fin doit être connue d'avance par les hommes, pour qu'ils puissent diriger vers elle leurs intentions et leurs actes. Il a donc été nécessaire pour notre salut que la révélation divine vînt enseigner à l'homme les vérités que les lumières naturelles ne lui découvrent pas. Note. Reconnaître la destination de l'homme à une fin surnaturelle, c'est reconnaître par là même que la révélation était nécessaire. Dieu eût pu laisser l'homme dans sa propre nature sans l'élever à la fin surnaturelle de la béatitude éternelle, mais il a voulu l'y élever, et c'est pour cette fin qu'il l'a créé. Il l'a voulu, dis-je, et il nous l'a révélé. Fin de la note. Il y a plus, dans les choses mêmes que la raison humaine peut connaître touchant la divinité, il fallait encore que la révélation vînt à notre secours. Si les hommes, en effet, n'avaient que leur raison pour découvrir la vérité sur Dieu, il en résulterait qu'un petit nombre seulement, et après beaucoup de temps, parviendrait à connaître cette vérité, qui se trouverait encore mêlée à mille erreurs, et pourtant cette connaissance peut seule conduire au salut, qui est en Dieu. Sur ce nouveau point, la révélation divine devait encore, pour que l'homme arrivât plus facilement et plus sûrement au bonheur éternel, éclairer notre intelligence sur les choses divines. Donc, indépendamment des sciences philosophiques, qui s'acquièrent par les investigations de la raison, il devait avoir une doctrine divinement révélée. Note. Mais, dit-on, nous ne devons pas chercher à connaître ce qui est au-dessus de notre esprit, l'Écriture elle-même nous le défend. Ecclésiastique 3:21. D'un autre côté, les sciences philosophiques traitent de tous les êtres et même de Dieu, si bien, continue-t-on, que la philosophie elle-même contient une partie appelée théodicée. Il n'est donc pas nécessaire qu'il y ait une autre doctrine. Il est facile de répondre que nous ne devons point chercher à connaître par la raison les choses qui sont au-dessus de notre esprit, mais que Dieu peut nous les révéler pour que nous les admettions par la foi, et qu'en effet il nous en a révélé un grand nombre, d'après ces paroles de l'Ecclésiastique, il vous a découvert beaucoup de vérités qui étaient au-dessus de l'esprit de l'homme. Ecclésiastique 3:25. Quant à la seconde difficulté, les sciences sont différentes par la diversité des moyens qu'elles emploient pour arriver à la connaissance de la vérité. La théologie qui appartient à la révélation diffère nécessairement de la théologie philosophique, puisqu'elle considère avec le flambeau de la révélation divine les choses que les sciences philosophiques examinent par les seules lumières de la raison. Fin de la note. 2. La doctrine sainte est-elle une science? La doctrine sainte, la théologie, est, sans contredit, une science. Mais il faut savoir que les sciences sont de deux sortes. Les unes se servent de principes connus naturellement par l'intelligence, tels sont, par exemple, l'arithmétique, la géométrie. Les autres adoptent les principes d'une science supérieure, comme la perspective, qui s'appuie sur la géométrie. La théologie rentre dans cette seconde catégorie, elle part des principes d'une science qui n'est autre que la science de Dieu et des bienheureux. Ainsi donc, comme le peintre croit au principe que lui transmet le mathématicien, ainsi le théologien croit au principe que Dieu nous a révélé. Note. La somme théologique n'a pas pour but de prouver l'existence de la révélation contre les incrédules, elle est purement théologique, comme l'annonce son titre même, et, par conséquent, elle suppose la foi à la révélation. Si l'on n'était pas averti de cette vérité, on ne comprendrait pas même le premier article. Fin de la note. 3. La doctrine sainte est-elle une science une? L'Écriture nous parle de la sainte doctrine comme d'une science une, car la sagesse dit, Dieu lui a donné à la science des saints. Sagesse 10:10. Note. Science des saints, théologie, sainte doctrine. Doctrine sacrée, inspirée, révélée, enseignement divin, tous ces mots sont synonymes. Fin de la note. Puisque la doctrine sainte considère les choses du point de vue de la révélation, il en résulte que toutes les vérités dont elle s'occupe ne constituent pour elle qu'un seul objet formel, et qu'elle reste toujours une, quoiqu'elle traite de Dieu et des créatures, de Dieu, comme de son objet principal, des créatures, comme se rapportant à Dieu. Note. La doctrine révélée est le reflet de la science divine, qui est la plus simple de toutes les sciences. Fin de la note. 4. La doctrine sainte est-elle une science simplement pratique? Les sciences pratiques sont celles qui, comme la morale, ont pour objet les opérations de l'homme, Les sciences spéculatives consistent, comme la métaphysique, dans la contemplation seule de leur objet. La sainte doctrine est plus spéculative que pratique, car, traitant principalement de Dieu, elle contemple avant tout les choses divines, et, si elle traite des actions de l'homme, ce n'est qu'en tant que celle-ci nous dispose à la béatitude éternelle, c'est-à-dire à la connaissance parfaite de Dieu. 5. La doctrine sainte l'emporte-t-elle en dignité sur les autres sciences? La sainte doctrine surpasse en dignité toutes les autres sciences, soit spéculatives, soit pratiques. Elle l'emporte sur les sciences spéculatives, pour deux raisons. D'abord, elle est plus certaine. Les autres sciences tiennent leur certitude des lumières de la raison humaine, qui est faillible, la théologie, au contraire, reçoit la sienne de la lumière divine, qui est infaillible. Ensuite, elle a un objet plus noble, parce qu'elle traite principalement de choses qui par leur hauteur surpassent la raison, tandis que les autres sciences se renferment dans le cercle de nos faibles conceptions. Quant aux sciences pratiques, celle-là est la plus noble qui renferme la fin des autres. Or, la théologie, comme science pratique, a pour fin la béatitude éternelle, à laquelle le but de toutes les autres sciences se rapporte comme à une fin dernière. La doctrine divine est donc, de toutes les façons, la plus noble des sciences. Note. On nous fait deux objections, on dit, premièrement, que les sciences profanes ont des principes qui bannissent le doute, mais que l'on peut douter des articles de la foi, la science sacrée n'est donc pas la plus certaine des sciences. La réponse est que les vérités les plus certaines en elles-mêmes ne sont pas toujours les plus évidentes pour nous, or, telles sont les vérités de la foi, dont notre faible intelligence ne saisit pas la clarté. On dit, en second lieu, que la théologie fait des emprunts à la philosophie. Mais si la théologie emprunte à la philosophie, ce n'est pas qu'elle ait besoin de son secours, c'est seulement pour mieux mettre en lumière les vérités qu'elle enseigne. Tenant ses principes de Dieu et non de la terre, la science sacrée n'emprunte jamais aux autres sciences comme à des supérieures, elle s'en sert, au contraire, comme de ses inférieures et de ses servantes. Ainsi que l'architecte se sert des artisans et le magistrat des militaires. Fin de la note. 6. Cette science est-elle la sagesse? En parlant de la loi, Moïse disait, elle sera votre sagesse et votre intelligence devant les nations. Deutéronome 4, 6. La doctrine sainte est, en effet, la plus grande sagesse, non seulement sous un rapport, mais absolument parlant. Nous donnons le nom de sage à l'homme qui coordonne et qui juge en partant toujours d'un principe supérieur. Dans quelque genre que ce soit, celui-là est sage qui en considère la cause la plus élevée, mais le sage, absolument parlant, c'est l'homme qui s'élève à la cause suprême de l'univers, c'est-à-dire à Dieu, et de là vient que l'on appelle la sagesse la connaissance des choses divines. Or, la doctrine sainte envisage Dieu comme la cause la plus élevée de toutes les causes, et, loin de se borner à la connaissance que nous en donnent les créatures, connaissance que la philosophie antique a pu avoir, elle nous initie à la connaissance même que Dieu a de lui-même et qu'il nous a manifestée par la révélation. Romains 1. Une telle science renferme donc la plus éminente sagesse. Note. À ceux qui objectent que la sagesse est un don du Saint-Esprit, tandis que la science sacrée s'acquiert par l'étude, et qui conclut de là que la sainte doctrine n'est pas la sagesse, on répond qu'il y a deux sortes de sagesse, parce qu'il y a deux manières de juger. On juge d'abord par une certaine inclination, comme celui qui a l'habitude d'une vertu juge sainement par son habitude même des devoirs qu'elle prescrit, d'où Aristote disait que l'homme vertueux est la règle et la mesure des actes humains. On juge ensuite par connaissance, et c'est ainsi que le savant dans les sciences morales peut juger de la vertu sans être vertueux. Or, la première manière de juger, appliquée aux choses divines, provient de la sagesse qui est un don du Saint-Esprit, et c'est d'elle que parle saint Paul quand il dit « L'homme spirituel juge de toutes choses ». 1 Corinthiens 2,15. Saint Denis dit aussi dans le même sens, en parlant d'un certain Hiérotée, « Il est devenu savant, non seulement par l'étude, mais par l'effet de la grâce divine ». La seconde manière de juger appartient à la doctrine sainte dont la connaissance s'acquiert par l'étude, encore bien que les vérités qu'elle enseigne soient révélées. Fin de la note. 7. Dieu est-il le sujet de cette science? Une science a pour sujet la matière principale dont elle s'occupe, or, la science divine traite principalement de Dieu, et c'est même pour cela qu'on l'appelle théologie, c'est-à-dire discours sur Dieu. Dieu en est évidemment le sujet, puisque toutes les matières y sont traitées par rapport à lui, soit qu'on parle de Dieu même, soit qu'on traite de choses dont il est le principe et la fin. Cette vérité ressort des principes même de la science théologique, qui ne sont autres que les articles de la foi, dont Dieu est l'objet propre. Note. Les auteurs qui ont assigné un autre sujet que Dieu à la science théologique, par exemple, les miracles, les œuvres de la rédemption, ou même le Christ tout entier, ont perdu de vue l'objet formel, pour ne considérer que les matières dont elles traitent. La théologie parle de toutes ces choses, il est vrai, mais elle les considère toujours dans leur rapport avec Dieu. Fin de la note. 8. La théologie est-elle une science de raisonnement? Il faut, écrivait saint Paul à Tite, que l'évêque soit fortement attaché aux vérités de la foi, telles qu'on les lui a enseignées, qu'il soit capable d'exhorter selon la saine doctrine et de convaincre ceux qui la contredisent. Tite 1, 19. Les sciences, en général, n'argumentent pas pour prouver la vérité de leurs axiomes, mais elles argumentent pour établir certaines vérités contenues dans ces axiomes. Pareillement, la science sacrée ne raisonne pas pour prouver ses principes, qui sont les articles de foi, mais elle part de ces articles pour démontrer d'autres vérités, à l'exemple de saint Paul, qui fonde la résurrection générale sur la résurrection du Christ. 1 Corinthiens 15, elle argumente ensuite contre l'adversaire qui nie ses dogmes, et le combat par le raisonnement, s'il accorde quelques-unes des vérités de la foi, ainsi argumentons-nous contre les hérétiques, par l'autorité des Écritures, opposant un article à l'homme qui en nie un autre. Mais si l'adversaire n'admet aucun point de la révélation, il n'y a nul moyen de lui prouver par des raisonnements les articles de foi, alors il faut se contenter de résoudre ses objections, ce qui est toujours possible. Puisque notre croyance repose sur la vérité infaillible et qu'on ne peut démontrer le contraire de ce qui est vrai, toutes les raisons que l'on apporte contre ce qu'elle enseigne sont des sophismes et non des démonstrations. La théologie n'essaie pas de démontrer les articles de foi par la raison, elle admet le témoignage de ceux à qui la révélation a été faite, et elle en tire des arguments invincibles. Si elle se sert quelquefois de la raison humaine, c'est pour mettre dans un plus grand jour les vérités qu'elle enseigne. Ici la raison sert sous les ordres de la foi, comme la nature sous la grâce, l'affection naturelle sous la charité. La foi, dit l'apôtre, réduit en captivité toute intelligence sous l'obéissance du Christ. 2 Corinthiens 10, 5. Note. La théologie n'argumente pas pour prouver a priori les articles de la foi. La raison, qui démontre l'existence de la révélation, fait voir que ces articles ont été révélés, et que, conséquemment, il n'y a pas de légèreté à les croire, puisqu'ils sont dus à la révélation de Dieu, qui est infaillible. Arrivée là, elle se confie à la foi pour tout ce qui est au-dessus de sa portée. Après avoir reconnu le flambeau divin, elle le laisse éclairer seul les immenses horizons du monde surnaturel. Fin de la note. Le théologien, il est vrai, apporte le témoignage des philosophes en faveur des vérités qu'ils ont pu connaître par les lumières naturelles. L'apôtre cite à lui-même Aratus dans l'Aréopage, « Comme l'ont dit quelques-uns de vos poètes, s'écria-t-il, nous sommes de la race des dieux. » Actes des Apôtres, 17, 2. Toutefois, ces arguments sont étrangers à la théologie, elle les cite comme des inductions qui ne s'élèvent pas au-dessus de la probabilité. L'Écriture sainte, voilà où elle puise des arguments qui lui appartiennent en propre et qui renferment la certitude. Notre foi repose sur la révélation qui a été faite aux auteurs des livres canoniques. Les autorités des docteurs de l'Église lui fournissent encore des arguments qui lui sont propres, mais ces arguments n'ont qu'un degré de probabilité. J'ai appris à n'accorder l'honneur de l'infaillibilité qu'aux livres saints, dit saint Augustin, les autres auteurs, je les lis de telle sorte que, si je crois ce qu'ils ont dit, ce n'est pas assurément par le motif seul qu'ils l'ont pensé ou écrit. Note. La tradition apostolique, que le saint concile de Trente met au même rang que l'écriture elle-même, fait aussi partie de la révélation. Elle se trouve dans les décrets des conciles généraux, dans l'enseignement unanime des pères, dans les décisions dogmatiques des souverains pontifes, dans l'enseignement de l'Église, qui, réunie ou dispersée, jouit du privilège de l'infaillibilité, point essentiel dont le théologien ne se départira jamais. Soit que l'Église prononce dans un concile général qui la représente, soit qu'elle s'exprime par la voix unanime des pères en matière de dogme ou de morale, soit qu'elle s'explique ou par l'organe du souverain pontife, ou par un concile particulier dont les jugements connus sont revêtus de l'assentiment universel, Jésus-Christ est toujours avec elle. L'Écriture sainte elle-même doit être interprétée, non par la raison seule comme le prétendent les sociniens et les rationalistes modernes, non par des révélations immédiates comme l'ont rêvé quelques sectaires enthousiastes, non par un secours spécial et individuel du Saint-Esprit, donné à chaque particulier, comme le veulent les luthériens et les calvinistes, mais par l'enseignement de l'Église catholique. L'autorité des pères, considérée dans son ensemble, forme la tradition, qui est infaillible. Il ne s'agit, dans les paroles de saint Augustin, que de l'autorité personnelle de chacun des pères de l'Église. Fin de la note. 9. Dans l'Écriture sainte, fondement de la théologie, doit-il y avoir des métaphores, des images et des figures? Dieu pourvoit aux besoins des êtres selon leur nature. Or, il est naturel à l'homme de percevoir le monde spirituel par les choses sensibles, puisque c'est par elles que commencent nos connaissances. Dès lors, l'Écriture sainte devait nous présenter les vérités spirituelles sous des images corporelles. Il est impossible, disait saint Denis, que la lumière divine se montre à nos yeux autrement qu'à travers une variété infinie de voiles. D'ailleurs, l'Écriture sainte étant faite pour tous les hommes, les images sensibles sont du moins comprises de ceux qui, faute de culture, sont peu propres à saisir les vérités de l'ordre spirituel. pour rendre donc la vérité plus accessible à tous les esprits et pour mieux la graver dans les âmes, la doctrine révélée devait employer des similitudes. Note. Ne nous imaginons point qu'elle soit altérée par les figures sensibles dont elle se sert. Elle ne laisse pas les esprits s'arrêter à ces images, ce qui est présenté métaphoriquement dans un endroit de l'écriture se trouve exposé ailleurs sans voile ni figure. Les allégories empruntées aux choses communes et vulgairement ne peuvent s'entendre de Dieu littéralement, tandis que des figures nobles et élevées pourraient aisément induire en erreur. Le langage ordinaire est d'ailleurs plus en rapport avec la connaissance que nous avons de Dieu en cette vie, où nous savons plutôt ce qu'il n'est pas que ce qu'il est. Ce langage nous fait sentir davantage combien le souverain être est au-dessus de toute la nature. Aussi la doctrine révélée devait-elle emprunter aux créatures de l'ordre inférieur les images sous lesquelles elle nous manifeste les choses divines. Fin de la note. 10. L'écriture sainte devait-elle renfermer plusieurs sens sous une seule lettre? Écoutons d'abord Saint Grégoire, l'écriture sainte, dit-il, par la nature même de son langage, surpasse toutes les sciences, dans le même discours elle raconte un fait, et c'est un mystère qu'elle expose. Pourquoi Dieu ne donnerait-il pas une signification non seulement aux paroles, mais aux choses mêmes? Tel est le privilège de la science révélée. Le sens par lequel les mots expriment certaines choses est le sens historique ou littéral. Celui par lequel les choses elles-mêmes ont une signification ultérieure est le sens spirituel, qui a pour base le sens littéral, et qui le suppose. Le sens spirituel se subdivise en trois autres. Les choses de l'ancienne loi signifient-elles ce qui appartient à la loi nouvelle? C'est le sens allégorique. Les actions du Christ, ou celles de ceux qui l'ont figuré, représentent-elles ce que nous devons faire? C'est le sens moral. Ces actions ou ces paroles conduisent-elles notre esprit vers la gloire éternelle en nous élevant aux choses du ciel? Voilà le sens anagogique. Note. Il n'est nullement étonnant que Dieu, qui comprend tout en même temps dans sa suprême intelligence, et attaché plusieurs significations au sens littéral, qui est le premier que tout auteur se propose. Cette multiplicité d'enseignements ne produit dans les saintes écritures ni équivoque, ni ambiguïté, car les mots n'ont pas pour cela plusieurs significations, ce sont les choses mêmes expliquées par les mots qui signifient d'autres choses. Il faut le remarquer, tous les sens reposent sur un seul, sur le sens littéral, qui seul fournit une base à l'argumentation parce que seul il exprime clairement les vérités de la foi. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial. Partage à l'identique.